François Morel, à vous. L'avantage de violer le duc quand il a dessiné sa flèche, c'est qu'il n'y avait personne au-dessus de son épaule pour lui dire « Eugène, ta flèche, elle est trop courte, trop grande, trop haute, trop petite. Eugène, pourquoi tu fais une flèche? Pourquoi qu'à la place tu ferais pas une tour, un beffroi, une tourelle? Ça serait plus joli une tourelle, putain, Eugène. Tu vas pas me dire que tu vas faire ta flèche en plomb? C'est moche le plomb, c'est cher, c'est toxique, c'est cancérigène. Pourquoi que tu la fais pas en zinc, en cuivre ou en étain? Mon genou, pourquoi que tu fais du néo-gothique? Bon, je ne veux plus rien dire, le néo-gothique, c'est nul, le néo-gothique. Fais du vrai gothique, fais de l'ancien, fais du rustique. Si tu veux, je te donne un coup de main. Je peux même demander à mon beau-frère, il a du temps de libre depuis qu'il est retraité des ponts et chaussées. Tiens, regarde, tous les deux, on a retapé la bicoque de la tanginette. Tout le crépi extérieur sur la pierre de taille, c'est nous qu'on l'a fait. J'aime mieux te dire que chez le roi Merlin, on est connu comme le houblon. D'ailleurs, si ça t'intéresse, on peut même avoir des prix sur l'enduit de façade. Et pourquoi plutôt que tu ferais pas du moderne? C'est bien aussi le moderne, faut vivre avec son temps. À la place de ta grosse flèche, je vous fais chier, ta grosse flèche violée du con. Pourquoi que tu mettrais pas une boule à paillettes le samedi soir? Tu la fais tourner, tu rajoutes un canon à jet de mousse et hop, sur le parvis Notre-Dame, tu fais des grandes soirées techno. Pas mal de gens savent ce qu'il faut faire concernant les travaux de Notre-Dame. Les tenants estampillés du conservatisme ont leur principe, c'est pas compliqué, faut tout faire à l'identique. Sauf que le bois qui a séché pendant 1000 ans va être plus difficile à trouver. Sauf que les entrepreneurs du Moyen-Âge ne se seraient sans doute pas privés des matériaux nouveaux s'ils les avaient connus. Sauf que les tenants du conservatisme de l'époque de Viollet-le-Duc détestaient Viollet-le-Duc. Ce qui est bien avec les conservateurs, qui tous ne sont pas des flèches, c'est qu'il suffit de patienter. Un jour, ils défendront ce qu'ils ont combattu hier, sous prétexte que le temps est passé et que le modernisme d'hier est devenu le patrimoine d'aujourd'hui. Les conservateurs détestent tout ce qui est contemporain. Là où le contemporain est plus malin, c'est qu'au bout de quelques années, sans avoir besoin de rien faire, il sait qu'il va devenir du patrimoine. Il faut souhaiter bien du courage à l'architecte qui, demain, aura en charge de s'occuper de la reconstruction de Notre-Dame. La plupart des gens qui chatent ou qui tweetent ou qui discutent sur les réseaux sociaux, en plus d'être des spécialistes en tout genre, des critiques de théâtre, de cinéma, qui savent mieux que quiconque ce qu'il faut faire dans tous les domaines, sont également des architectes. Enfin, font partie de cette catégorie de gens qui, selon l'expression de Coluche, ont un avis sur tout, ont surtout un avis. Tu tweets, c'est tout ce que tu sais faire. Merci François.